Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Ce soir, c'est la grande fête foraine. Allez, 2 euros le ticket, lundi, c'est tarif réduit. Approchez, approchez. C'est la chenille qui redémarre. Tournicoti, tournicoton. Pomme d'amour, beignet, donneuse, va, papa, papa. Allez, allez, 3 petits tours sur place, le petit cœur en place. Allez, allez, approchez, approchez. C'est la grande fête ce soir. Allez, c'est parti. Pomme d'amour et nougat, ça faisait longtemps que j'ai pas senti ces odeurs-là. Sur la fête foraine, je traînais à la dèche. Tout à coup, mon œil a été attiré par la pêche au canard. Y'a trop de monde, alors je poursuis ma route. J'en compte mes mille qui squattent autour des autoscouts. Je l'interpelle parce que c'est qu'il est toujours de mèche. Et toujours par contre, une petite partie de pêche au canard. Y'a pas moyen de jouer. L'odeur des frites nous prend les tripes, on se fait bien un cornet. N'allez pas le croire que le friteur nous proposait des américains, poissons, pigeons et même un pâté de canard. J'ai claqué 20 euros pour péter une peluche Mickey. Voilà tout ce que j'ai gagné, maintenant j'ai les poches trouées. Tire flèche à Toto Scotter, la ducasse est fermée. Va falloir attendre un an pour pouvoir aller les pêcher les canards.